torche à la main. Les samedis soirs de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita, votre rendez-vous hebdomadaire. Donc, installez-vous confortablement pour deux bonnes heures de rock progressif que Marc et moi, on a sélectionné pour vous ce soir. On va donner le coup d'envoi avec un extrait de Samurai of Prague Spaghetti Epic 4. Vous savez, la série d'albums inspirée des films de Sergio Leone et de la musique de Ennio Morricone. La semaine dernière, j'ai mentionné Morricone, mais je n'ai pas mentionné Leone. Donc, quatrième volet de cette série de disques concept. On va écouter ce soir une pièce d'Alessandro Di Benedetti, qui décidément est de quasiment tous les projets maintenant de Samurai of Prague. C'est un claviériste italien qui est membre de Matt Crayon et aussi de Inner Prospect. Et puis on aura tout de suite après Anders Buas de son nouvel album The Edinburgh Suite. Le monsieur, le guitariste s'est bien entouré avec à la batterie Marco Minman et à la basse Tony Franklin. Et puis Marc, après, je pense que on va faire un détour du côté de l'Espagne et ça a rapport avec The Samurai of Prague. Oui, tout à fait. C'est le guitariste espagnol Rafael Pacha qui est de tous les projets de Samurai of Prague maintenant. Il a participé également aux albums de Kimmo Porsti et plus récemment aussi de Guildmaster. Il a réalisé 12 albums en carrière. Ça fait 40 ans qu'il fait de la musique. Et ça, c'est tiré de son plus récent album, Al Rinson por Soñar. Et ce sera la pièce The Way Out. Et ce sera suivi d'une nouvelle pièce de la formation française ST6, une formation de Toulouse fondée par le multi-instrumentiste Aurélien Goud. Il avait fait paraître un premier EP en 2019, qu'on avait fait jouer d'ailleurs à la fin 2019. Ensuite est paru The Awakening en 2020. Et je me souviens, Michel, que tu avais fait tout un mix avec la longue pièce là, dans un bloc l'année dernière, l'été dernier. On y va maintenant avec un nouvel extrait, la pièce Place Your Bets. Mais tout d'abord, on y va avec un second extrait du nouvel album de The Samurai of Prague. Thank you. sempre stabili quando il cielo era dentro la testa e nessuno poteva fermarci, sempre in fuga e sempre in festa. Ci prendevamo tutto quel che brillava negli occhi, rischiavamo la pelle, farsi troppe domande non era per noi. Tu, amico mio, la mia ombra, il mio raggio di sole, lungo il fiume al galoppo d'estate, nelle notti silenti e stellate. Tu mi seguivi e lanciavi i cavalli nel vento, finché un giorno d'inverno tutto quel movimento non ci bastò più. Il destino correva per noi come un fulmine. Quando non l'hai fatto mai, paura del vuoto, ma noi puntavamo in alto al profumo dell'oro. Nel momento dello scambio d'improvviso lui tornò con il lampo di un proiettile. Quel che resta quando fuggi dal futuro, che sarà è solo negli occhi che un giorno thank you. Hey, ici Paul Carniello. Vous êtes en train d'écouter CKRL. Québec Redneck Bluegrass Project vous prépare une soirée mémorable le 30 juin prochain à l'Agora du Vieux-Port de Québec avec sa grande virée d'été du Pantera. Voyez également sur scène Groovy Aardvark et les pionniers de la musique traditionnelle québécoise, le groupe Le Rêve du Diable. Les billets sont en vente dès maintenant sur lepointdevente.com. QRBP, Groovy Aardvark et Le Rêve du Diable, le 30 juin prochain à l'Agora du Vieux-Port de Québec. Les samedis soirs de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. De retour à l'émission Terra Incognita avec Michel Bilodeau et Marc Chaunet. Alors, dans le prochain bloc musical, on aura un second extrait du nouvel album de la formation Capricars Constant du Royaume-Uni. C'est leur album The Murder Wall. Et on aura la pièce Third Man Down. Et ce sera suivi d'un nouvel extrait également du nouvel album de The Rome Project. Alors, c'est le quatrième volume pour ce projet. Et donc, le titre de l'album, Compendium of a Lifetime. On aura ici une pièce sur laquelle on a Tony Levin à la basse, la pièce Ave César. Et ensuite, Michel, on va faire un détour du côté de la Norvège. Oui, une formation qui a beaucoup joué à Terra Incognita, c'est-à-dire Professeur Tip Top. On aura un extrait de leur septième et plus récent album, Lanes of Time. Et puis, autre groupe, je pense qu'on est tombé en amour, toi et moi, c'est Meret, la formation d'Argentine, qui nous présente un premier album vraiment épatant, là, le Cérémonias. Et on va écouter un extrait de la pièce-titre, Cérémonias. Et on y va en musique avec Capricars Constant de leur nouvel album The Murder Wall. By firelight, fill a small but crowded room. Let's just say our story takes a strange and awkward turn, just to fit it overcoat, protecting you from cold. Falling down the mountainside to climbing then move on. Faster than gravity bluffs the eyes in town. Panic offers bad advice. Is that a third man down? The night brings introspection, insecurity, distrust. I turn to look for clues that add perspective to my past. Youth is a nursery, troubled thoughts turned in my hands. The potency of early years can thwart the best laid plans. But I'm the third man down the wall, an empty sleeve to grab, but fights you're sure to lose are fights you never have. Grey's nose written smaller Smoke, smoke, and sasquatch. mientras exista el cielo, existirá tu obra. Mientras exista el cielo, tu nombre no cesará. Thank you. esa tierra alguna vez viví. Amé, reí, lloré en sus moradas, qué símbolos perdí. Estaban escondidos entre el todo y la nada. Es una voz que llega desde allí. Es otro jeroglífico en el viento, un tesoro sin abrir, un amuleto errante que viaja por el tiempo. Ecos de silencio desde un dios. Es el mismo ritual, otro el momento. Reyes sin nación navegan estos ríos, creando más eventos. Todos somos hijos en el sol. Écoutez mon album qui est en diffusion à CKRL 89.1. Salut! J'ai pacté tout mon ménage, je l'ai sacré dans mon char. J'suis déménagé à Montréal pour aller jouer dans Ouattatata. Aujourd'hui, j'fais de la musique, pis j'trouve que le temps passe trop vite. La fin de semaine, j'joue d'un bord. Ça, c'est pas de moi, c'est une phrase à placard. Même si j'joue plus au baseball, j'traîne ma mythe dans mon char. J'attendrai pas. Samedi soir de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Pour la prochaine demi-heure, on aura dans un premier temps Ritual de l'album The Imlic Voluntary Band. C'est le quatrième album du groupe qui est paru en 2007. Ça fait comme un petit bout, mais je pense que le groupe quand même est actif parce qu'ils ont lancé deux albums en concert dans les dernières années, mais rien en studio. Il faut dire que le chanteur Patrick Lundström est aussi le chanteur de la formation suédoise Kaipa, donc je pense peut-être que ça le tient assez occupé. Et puis, on aura d'Espagne après Apple Smell Color. Ça, c'est un titre que je vais avoir un peu de difficulté à prononcer. C'est paru en 2015. Unscrupulous. Ça ressemble pas mal à ça. Et puis Marc, je pense après, on va vous présenter un extrait d'un groupe qui a présenté un nouvel album il n'y a pas très longtemps. Oui, en fait, c'est un collectif qui a pour nom de Prog Collective. Et on écoutera ici un extrait de leur premier album paru en 2013 avec la pièce Shining Diamonds. Et sur cette pièce-là, il y a Billy Sherwood aux percussions, Chris Squire à la basse, Steve Stevens aux guitares électriques, Patrick Moraz au clavier et Alan Parsons au vocal. Mais tout d'abord, on débute, comme tu disais, Michel, avec la formation Ritual. Unpleasant sight as he grew to a monstrous height. don't belong in here. I know. Brought me in. came stumbling down from the rumbling mountainside. Try to keep calm, friend. Said the Mulan. Who might you be then? Tell us your name, friend. Please call me Slip, but I'll soon be a stiff. So why should you care? But I lost the loud noise. Muffled his voice. Lies on your head every day. I think I'm not really dead, but nobody wants it not away. I'm an atom in the world. Thank you. earth's touching ground, earth revolving without a sound. CKRL. Saviez-vous que toutes les émissions de CKRL sont disponibles en écoute à l'adresse ckrl.qc.ca? Venez jeter un coup d'oreille. Salut, ici Denis Lelièvre. CKRL salue la 4e édition du festival Jazz en juin. Du jazz vocal au féminin à l'Impérial Belle, jazz exposition Musée des Beaux-Arts, de grands pianistes à la Nef. Pour tout savoir sur le festival, écoutez Midi Jazz du lundi au vendredi. Les samedis soirs de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Le prochain bloc musical débutera avec la formation Lost World Band et ce sera tiré de leur album Spheres Aligned, paru en 2019. On aura les pièces Dawn, Day, Dusk, Night et Running in the Sun. Et ensuite, Michel, une formation de la Suède qui a débuté dans le début des années 90. Oui, c'est aussi une des plus connues de cette décennie. Je pense que beaucoup l'ont deviné. Anecdoton de l'album Until All the Ghosts Are Gone. Et ce sera la pièce Our Days Are Numbered. Mais sans plus tarder, on y va avec Lost World Band. Thank you. conclure l'émission de ce soir, on a choisi une pièce de Banco del Mutuo Soccorso. C'est un extrait d'un album, un double album en concert, Live in Mexico City, 1999, et on écoutera la pièce La Conquista de la Posizione Errata. C'était Marc Chonet et Michel Bilodeau avec vous depuis 22 heures. Merci d'avoir été des nôtres. Revenez-nous la semaine prochaine, même heure, même poste. Je vous invite à vous abonner à la page Facebook de Terra Incognita. Restez des nôtres. L'autoroute suit dans quelques instants et on vous souhaite une excellente nuit à l'écoute de CKRL. et on m'a dit très bien. Il y a tant de mauvais avec mon soir d'eau qui s'écroule. Elle a bien signé. Oh, mon Dieu, Richard et Cole, oh, je l'ai eu fond. Et qu'elle rit de l'école, on pense à elle. CKRL 89.1. Tes cahiers sont remplis de phrases éparpillées, ordonnées dans le sens des pages. Tous ces mots qui s'endorment et qui ne disent rien, tu ne cesses de remettre. Retrouvez Damoiseau en diffusion sur CKRL. Salut, ici Roxane de Juillet. On est vraiment content de vous présenter notre tout nouvel extrait Stratosphère. C'est une chanson qu'on a enregistrée avec notre amie Mélanie Venditti. Elle est disponible sur toutes les plateformes dès maintenant. Le dimanche 3 juillet, la ville de Québec fête 414 ans. Prenez part aux festivités. Activités protocolaires, grande fête musicale au parc Saint-Benoît et animation familiale dans un parc près de chez vous. Détails au ville.quebec.qc.ca. Un message de la Ville de Québec. Du 30 juin au 9 juillet, larguez les amarres à Petite-Vallée pour la 39e édition du Festival en chanson. Pendant 10 jours, assistez à plus de 60 spectacles et vivez une expérience humaine et des rencontres artistiques inoubliables avec Émile Bilodeau, Paul Piché. Il y a pas grand-chose dans le ciel à soir, il y a pas grand-chose, y a rien à voir. Salomé Leclerc, Zachary Richard, Laura Nicoué, pour une histoire d'un soir, Paul Darache et plusieurs autres. Réservez vos billets au www.festivalenchanson.com ou au 418-393-2222. Le Festival en chanson de Petite-Vallée est une présentation d'Hydro-Québec et de Québécois. Voici le moment de renouveler votre carte de membre ou de poser un geste sensible pour votre radio favorite. Devenez membre de CKRL pour 25 $ et stimulez l'élan créateur de nos passionnés et mordus de radio. CKRL offre en exclusivité à ses membres 52 tirages de prix culturels à chaque semaine dans l'émission Les Matins éphémères et Première Loge. Vous êtes membre? Vous êtes automatiquement éligible. Comment y adhérer? Au 418 640 25 75 poste 201 ou sur ckrl.qc.ca via le paiement sécurisé PayPal. Québec Redneck Bluegrass Project vous prépare une soirée mémorable le 30 juin prochain à l'Agora du Vieux-Port de Québec avec sa grande virée d'été du Pantera. Voyez également sur scène Groovy Aardvark et les pionniers de la musique traditionnelle québécoise, le groupe Le Rêve du Diable. Les billets sont en vente dès maintenant sur lepointdevente.com. QRBP, Groovy Aardvark et Le Rêve du Diable, le 30 juin prochain à l'Agora du Vieux-Port de Québec. Ben voyons, le monde est donc bien cheap. Pourtant, d'habitude, un samedi soir, on fait pas de pouce longtemps.